Le courage de son opinion, par Pierre Baldagne. Jean Lagarre entra dans la boutique de son coiffeur, monta un petit escalier et pénétra dans le salon. Il y avait là beaucoup de monde. On y respirait un air lourd où flottaient des parfums mélangés à une odeur de poils roussis. Jean Lagarre se dirigea vers le fauteuil de Grésillon, son artiste ordinaire. Mais le fauteuil était occupé, et Grésillon, faisant tourner entre ses doigts un fer à friser menaçant, lança au nouvel arrivé « 5 minutes, je suis à bout. » Jean Lagarre alla s'asseoir auprès d'une grande table et tira lui un journal du matin. C'était un journal qu'il ne lisait guère, lui qui, par métier d'économiste et d'écrivain, les lisait presque tous. Mais celui-là l'agaçait particulièrement, tant ses idées directrices se trouvaient à l'opposé des siennes propres, et tant, surtout, il craignait d'y trouver la signature de Paul Pigette, un économiste lui aussi, un prétendu économiste, disait Lagarre, mais qui imprimait des énormités plus grosses que lui. Et par hasard, le journal contenait ce matin un long article de Paul Pigette. Ma foi, puisqu'il devait attendre son tour de tondeuse, Lagarre allait connaître les nouvelles élucubrations du journaliste. Et il lut. À mesure, ses sourcils se rapprochaient, son œil devenait méchant, et il prononçait tout bas des paroles hargneuses. Décidément, Pigette allait trop loin. Incompétence et prétention, ignorance des éléments mêmes de la question, pouvait-on laisser passer, sans y répondre, de semblables bilvesées? On ne le pouvait pas. Et tirant un carnet de sa poche, Lagarre se mit à prendre quelques notes. « J'ai tout à fait tort, se dit notre homme, de ne pas lire ce Pigette plus souvent. Une des formes de courage que nous requiert le plus impérieusement est celle du courage de nos opinions. Un esprit libre se doit de ne pas laisser propager sans réfutation une doctrine qui lui paraît néfaste. C'est ainsi qu'une idée fausse se fraye son chemin. Laisser se vulgariser une erreur, c'est manquer à son devoir, car les conséquences en peuvent être incalculables. Il suffit parfois de quelques mots pour établir la vérité et empêcher qu'une sottise ne germe et ne fleurisse dans un cerveau mal préparé. Je répondrai à Paul Pigette. Monsieur Lagarre, à votre tour. Grésillon débarrassait le fauteuil d'un peignoir chiffonné, donnait un coup de serviette au marbre de la toilette, installait son client et se mettait en demeure de le servir. Jean Lagarre appuie sa tête au haut dossier, il étend ses jambes qui sont lasses. Il est bien, il se repose. « Les cheveux ?» demande Grésillon. « Les cheveux, la barbe, tout. Shampoing et friction, le grand jeu, mon ami. » Car Jean Lagarre aime les soins méticuleux du coiffeur. Entre les mains de Grésillon, Jean Lagarre se sent heureux. Le jeu de la brosse et du peigne, l'effleurement des ciseaux, le plonge en quasi-torpeur qu'il repose de ses pensées. Il s'abandonne. Et Grésillon parle. Il parle du temps qu'il fait, bien entendu. Un bon petit froid sec, hein, monsieur Lagarre? Grésillon frétille. Le bon petit froid sec paraît l'enchanter. Le 4 degrés sous zéro lui plaît à cet homme. Il plaît moins à Lagarre, qui, pour venir, a dû remonter le col de son par-dessus et se sent encore l'onglet au doigt. Toutefois, tous les goûts étant dans la nature, il ne juge pas à propos d'opposer le sien à celui de Grésillon. Mais voici que ce dernier formule une opinion, ce qui est plus grave que d'exposer un goût. Il dit « C'est tout de même plus sain que la pluie, le beau petit froid sec. Halte là !» L'avis de Lagarre est tout différent. Le froid est d'abord douloureux. Ensuite, il multiplie les pneumonies et les fluxions de poitrine. Enfin, comme la municipalité n'arrose pas les rues quand il gèle, le vent fait tourbillonner les poussières chargées des 1000 microbes de toutes les maladies. Ce n'est pas l'humidité qui est malsaine, c'est le froid. Et il s'agit de rectifier sur ce point les idées de Grésillon. Mais voilà, pour rectifier, il faut parler. Et parler, en ce moment, assomme Jean Lagarre. Il va falloir exposer ses raisons, déduire les conséquences. La chose en vaut-elle la peine? Que ce coiffeur croit ce qu'il veut? Lagarre a plus vite fait de remuer la tête 2 ou 3 fois en signe d'assentiment. Quant au coiffeur, son esprit a déjà franchi d'énormes distances et il se lance dans l'actualité. Alors comme ça, c'est le 15 mai que reprennent les courses. Il paraît, fait vaguement Lagarre, que la question intéresse peu. Je vais vous dire, continue Grésillon, ça me fait plaisir et ça m'embête. Ça m'embête parce que je me connais, j'irai tous les dimanches. Avant la guerre, j'ai déjà défilé pas mal de galettes. J'ai peur que ça ne continue, J'étais si tranquille. Allons, se dit Jean Lagarde. Il sied que je détourne ce brave garçon de la funeste passion du jeu. Je vais lui remontrer. Vais-je lui remontrer quoi que ce soit, après tout? Est-ce que cela me regarde? Et est-ce que je le convaincrai? Pourquoi me donner tant de mal pour prêcher dans le désert? Ce n'est pas ce que je lui dirai qui l'empêchera d'aller aux courses et y défiler sa galette. Et comme le coiffeur ajoutait, ce qu'il y a de sûr au moins, c'est que quand on y gagne, ça fait rudement plaisir. C'est de l'argent sans peine. Évidemment, évidemment. Prononça Lagarde, un peu honteux de la facilité avec laquelle il se rangeait un avis qui n'était pas le sien. Quand un grésillon, qui après le shampoing et la friction, venait de saisir son rasoir, il enchaînait sans la moindre difficulté. N'est-ce pas, monsieur Lagarde, vous qui connaissez la vie? Quand on a travaillé toute la semaine, c'est bien juste qu'on se distrait un peu le dimanche. Ainsi, moi, j'ai ma femme, n'est-ce pas? Faut bien que je la sorte. C'est nécessaire, articula Jean Lagarde, les joues couvertes de savon. Seulement voilà. Ma femme et moi, on n'est jamais d'accord. Elle veut toujours aller à la campagne. Moi, la campagne, ça me rase. J'aime mieux aller dans un café, un beau café du boulevard. Il y a du monde, c'est distrayant. Vous êtes de mon avis, monsieur Lagarde. Non, 100 fois non. Lagarde n'était pas de son avis. Et surtout, pour un homme comme Grésillon, enfermé toute la semaine, le café, un air irrespirable, une tabagie. Tandis que la promenade au bois de Vincennes, les arguments se pressaient dans l'esprit de l'économiste, mais il ne les formulait pas. Une étrange fatigue le prenait à exprimer son opinion, et une fois encore, il répondit ces mots, qui étaient tout juste le contraire de sa pensée. « Oui, oui, Grésillon, c'est mon avis. » Dehors, Jean Lagarde s'examina dans une glace. Il n'était pas fier. 3 fois, il aurait dû combattre les erreurs de ce garçon. Ainsi, il pouvait lui rendre service. Dût-il même ne pas le convaincre? Ne se devait-il pas à lui-même de ne pas laisser émettre une opinion qu'il désapprouvait? On est bien lâche. Or, rentré chez lui, Lagarde retrouva dans sa poche les quelques notes qu'il avait prises sur l'article horripilant de ce malencontreux Paul Pigette. Il les examina un instant, puis il les froissa dans sa main et finit par les jeter dans sa corbeille à papier, et allumant une vieille et excellente pipe. « Après tout, prononça-t-il tout haut, on n'en finirait pas si on voulait rectifier toutes les opinions qui vous choquent. La vue se passerait en discussion. Pigette pense noir, moi je pense blanc. 2 avis sur une question, ce n'est pas tellement énorme. D'autant plus que la plupart du temps, c'est une 3e qui triomphe. » C'était « Le courage de son opinion » par Pierre Baldagne.